Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Célébration ce 18 juillet de la journée internationale dédiée à Nelson Mandela. Au Burundi, les cérémonies ont eu lieu au centre Urisanze de Charama, qui héberge des personnes âgées. L'ambassadeur d'Afrique du Sud au Burundi était là. L'augmentation des impôts et taxes devrait tenir compte de la réalité économique du pays, sinon cela risque d'être contre-productif. L'économiste Faustin Dikoumana nous partagera certains aspects de son analyse de la loi budgétaire pour l'exercice 2025-2026. Et le centre-ville d'Ngozi connaît un manque de carburant depuis plus de deux semaines déjà. La situation devient de plus en plus intenable pour bon nombre de conducteurs d'engins roulants. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La loi budgétaire pour l'exercice 2025-2026 augmente les taxes et impôts sur les biens de première nécessité, alors que la situation économique du pays est déjà difficile. C'est ce qu'a fait remarquer ce vendredi le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM. Faustin Dikoumana a affirmé que cela va aggraver la pauvreté dans le pays et réduire le pouvoir d'achat des consommateurs. Selon lui, il serait nécessaire de mettre en place une commission d'experts chargée d'étudier sérieusement les mesures à prendre en tenant compte de la réalité économique du pays. On l'écoute. On constate une prévision de l'augmentation des recettes de 200 milliards. On voit une augmentation excessive des taxes, du coût des documents administratifs, des licences d'exploitation, une diminution des appuis des bailleurs de fonds, alors que tous les ministères d'investissement sont en grande partie, à plus de 80% même, financés par les appuis des bailleurs de fonds. Les dépenses de fonctionnement continuent à exploser, plus de 200 milliards. Le remboursement de la dette qui accapare plus de 1200 milliards, ça veut dire 40% des recettes. Le gouvernement, à travers le ministre des Finances, devait considérer que le budget de l'État, c'est un instrument par excellence de la politique économique. Dans un pays, le budget de l'État, ce n'est pas la collecte des recettes, non. Un instrument de la politique économique. Parce que même si vous continuez à surtaxer, c'est le principe des hauts taux qui tirent tôt taux qui est consacré en matière d'impôts. L'exemple, c'est ce qu'on a constaté avec la révision budgétaire de l'année passée. Les recettes ont diminué. L'importation a chuté. Le transport, la mobilité des biens et services est gênée par le coût du carburant et l'arrêt du carburant. Ça veut dire que la mobilité des personnes et des biens à l'intérieur est presque bloquée. Si on n'importe pas, la circulation, le mouvement économique diminue. Tout cela cause un tort. La collecte des recettes, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, des missions, les achats véhicules et autres. On devait mettre sur pied une commission technique spéciale compétente pour évaluer à la loupe l'état des dépenses dans certains ministères, dans les entités publiques, pour en supprimer ceux qui sont moins importants. Faustin Ndikoumana, c'est le directeur national de l'organisation PARSEM. Et le centre-ville d'Ngozi connaît un manque de carburant depuis plus de deux semaines. Bon nombre de conducteurs d'engins roulants s'approvisionnent au marché noir où le bidon de 20 litres d'essence s'achète à 230 000 francs burundais. La plupart ont déjà garé leurs véhicules et motos à la maison et demandent au gouvernement de tout faire pour trouver une solution à cette pénurie. Apollinaire Muzagara. Des files d'attente de véhicules et motos se sont observées à la station d'essence sise à l'endroit dit Kuiferemi en ville d'Ngozi. La semaine passe après trois jours d'attente. Les véhicules disparaissaient un à un pour regagner la maison Bredou. Pour le moment, la même situation de files d'attente s'observe depuis mercredi à la nouvelle station du quartier Gabir jusqu'à midi ce vendredi. Le carburant n'était pas encore arrivé. Selon les activités des uns et des autres, certains disent qu'ils sont obligés de s'approvisionner au marché noir, même si le prix est exorbitant. Un bidon d'essence est à 230 000 francs, voire plus. Une bouteille en plastique d'un litre et demi se vend à 20 000 francs. Les informations émanant de la population de la ville d'Ngozi disent que le gros de ce carburant du marché noir vient frauduleusement de la Tanzanie. D'ailleurs, selon les chauffeurs de taxi-voiture, le prix d'un litre d'essence diminue au fur et à mesure qu'on quitte Ngozi aux différents centres. Ils demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème de pénurie, quitte à reprendre les activités à la normale et avoir ainsi de quoi nourrir leur famille. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Et des caféiculteurs de la colline Gihororo en commune Kayanza de la province Boutagnerera déplorent le retard mis dans le paiement du café cerise vendu durant la campagne caféicole en cours. Lors du lancement de la campagne de taille-paillage pour la saison caféicole 2025-2026 ce jeudi en commune Kayanza, l'assistant du ministre en charge de l'agriculture a indiqué que ce retard est lié à des irrégularités observées dans l'enregistrement des caféiculteurs, mais qu'à partir de la semaine prochaine ou la semaine en 8, les caféiculteurs réguliers commenceront à percevoir l'argent de la première tranche. Correspondance, Patrick Saint-Guillaume. Ce jeudi, en date du 17 juillet, l'an courant, a eu lieu le lancement officiel de la campagne de la taille et paillage du café. Cette activité a eu lieu à la colline Gihororo en commune Kayanza de la province Boutagnerera. À cette occasion, les caféiculteurs ont exprimé leur grogne selon lesquelles la première tranche du paiement du café cerise est vendue tarde. Consécutivement à cette situation, déplorait-il, il manque de l'argent pour subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille, l'argent pour payer la sorte des fertilisants et pour l'organisation des fêtes de la période d'été. Les caféiculteurs de la colline Gihororo en commune Kayanza de la province Boutagnerera demandent que ce paiement soit fait dans de meilleurs délais pour leur permettre de trouver l'argent pour surtout l'achat des semences et les fertilisants pour cette saison culturelle. C'est Boutoy Léonard, assistant du ministre en charge de l'agriculture, qui a rehaussé de sa présence les activités de lancement de la campagne de taille et paillage du café, a tranquillisé les caféiculteurs que la première tranche de paiement du café est prévue très prochainement. Cette autorité a saisi l'occasion pour le rappeler aux caféiculteurs que le paiement via des transactions bancaires favorise les agriculteurs car, expliquait-il, en cas de besoin d'argent pour se développer, ils peuvent contracter des dettes auprès des banques et s'auto-développer ainsi. Depuis la colline Gihororo de la commune Kayanza en province Boutagnerera, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les jeunes participants au concours dénommé Ingingizi Mbona Kazoza, organisé par la diaspora burundaise, devraient exploiter efficacement leurs talents. C'est un appel lancé ce jeudi à Ngozi, en province de Boutagnerera, par Gabriel Rufiri, président du conseil des sages au sein de la diaspora. De son côté, Samuel Ndaïra Guigé, représentant de la diaspora burundaise, a souligné qu'il s'impose pour tout Burundi de changer de mentalité en vue d'atteindre les objectifs de développement que le Burundi s'est fixé. Clovis Niyonguru. C'est le concours Inkingi Zimbona Kazoza qui met à lumière les talents de la jeunesse burundaise. C'est au stade Kugasaka dans la province de Boutagnerera où s'est tenu le deuxième jour de ce concours organisé par la diaspora burundaise. Parmi les figures marquantes de l'événement, Gabriel Fili, directeur de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom, qui est aussi président du Conseil des sages au sein de la diaspora burundaise, a lancé un appel à la jeunesse tout en les invitant à faire fructifier les talents révélés durant le concours en les appliquant concrètement dans leur vie quotidienne. Selon lui, si les jeunes suivent cette voie et mettent leurs capacités en pratique, rien n'empêchera le Burundi de progresser. Dans cette même dynamique, Samuel Ndelagije, représentant de la diaspora burundaise, a rappelé que la réalisation de la vision nationale en Burundi émergeant en 2040 et développée en 2060 exige des citoyens un changement profond de mentalité. Il a appelé à abandonner certains comportements jugés inappropriés pour laisser place à une nouvelle dynamique de développement. Alain Patrick Moheton, qui a représenté le gouverneur de la province Boutagnerera, a également souligné l'importance de s'inspirer des valeurs transmises par les jeunes à travers les traditions culturelles. Il a encouragé les habitants de s'approprier ces messages porteurs d'avenir. Comme prévu, les premiers vainqueurs du concours reçoivent une enveloppe de 3 millions de francs burundais. Ce jeudi, à Boutagnerera, parmi les gagnants figurait un enfant de seulement 7 ans, élève en 3e année primaire, qui s'est illustré dans la poésie en utilisant la langue anglaise. Depuis Boutagnerera, Clovis Nyangolo, Radio Isanganiro. L'orphelinat de Tchondi, en commune Bururi de la province Burunga, manque de moyens financiers pour nourrir plus de 200 enfants. D'une part, à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires, d'autre part, à cause de la récente disparition d'un des principaux bailleurs. Le directeur de cette orphelinat l'a dit ce jeudi quand il venait de recevoir un don composé notamment d'eau vivre et du matériel scolaire de la part des groupements de solidarité de la zone Kiliama en commune Matana, des groupements encadrés par la FVS Amis des Enfants. Le responsable de cette orphelinat salue cette initiative et appelle d'autres bienfaiteurs à leur emboîter le pas. Zenon Zambimana. Cette orphelinat située sur la colline Gikwazo, zone Chondi de la commune Bururi, province Burunga, nourrit tous les jours de classe 250 écoliers de l'école fondamentale Chondi qui souffrent de la malnutrition. C'est le directeur de cette orphelinat qui a aussi une capacité d'héberger 15 enfants assistés également par cette orphelinat jusqu'à la fin de leurs études. Jean-Marie Diokubayo dit que ce centre fait aujourd'hui face au manque de moyens financiers pour continuer à nourrir ses enfants suite à la montée des prix des denrées alimentaires, aggravé par le fait qu'un des bienfaiteurs qui appuyait cet orphelinat est mort très récemment. Jean-Marie Diokubayo l'a dit ce jeudi à Chondi quand il venait de recevoir une aide composée de vivres, dont une tonne de haricots, du matériel scolaire, d'une enveloppe de plus de 1 700 000 francs burundais et d'autres d'une valeur de plus de 6 millions de francs burundais octroyés par 18 groupements de solidarité de la zone Kigama, commune Matana, de la même province, encadré par la FVS Amis des Enfants. Le responsable du réseau de ces associations à Songa dit que ce don est composé d'une partie de leur récolte octroyée à ses enfants après être au courant des problèmes auxquels fait face cet orphelinat de Chondi. Albert Harushimana fait savoir que cet âme charitable qu'ils ont manifesté est le fruit de l'encadrement qu'ils ont reçu de la part de la FVS Amis des Enfants et salue sa contribution. Le directeur de cet orphelinat de Chondi salue vivement ce don et demande aux autres bienfaiteurs de continuer dans le même sens, car l'enfant n'appartient pas à une seule personne, mais appartient à tout le monde. Dopi Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Célébration ce 18 juillet de la journée internationale dédiée à Nelson Mandela. Au Burundi, les cérémonies ont eu lieu au centre Uri Sanze de Charama, qui héberge des personnes âgées sans soutien familial. L'occasion pour le représentant légal adjoint du centre de souligner leurs besoins croissants et la nécessité d'un soutien constant. Une préoccupation qui trouve écho dans le discours de l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud au Burundi qui était là et qui a appelé ses collaborateurs et collègues à un engagement collectif pour garantir une vie digne aux personnes âgées. C'est un reportage d'Ornella Mucho. Malheureusement, ce reportage n'est pas encore prêt. On passe maintenant à la chronique. Radio Isanganiro Chronique. La pauvreté dans les familles, c'est l'une des causes des grossesses précoces dans le milieu scolaire, selon David Ninganza, vice-président en charge de la communication au sein de l'organisation Solidarité de la Jeunesse pour la Paix et l'Enfance, SOGEPAYE. Ce militant des droits des enfants trouve qu'il faut un travail en synergie pour que ce fléau soit éradiqué dans les milieux scolaires. C'est au moment où l'UNICEF est en train d'aider dans la vulgarisation des clubs de sensibilisation pour qu'il y ait zéro grossesse dans le milieu scolaire. Évariste Nzikobanyanga. David Ninganza de la SOGEPAYE est expert en droit de l'éducation, dit ne pas comprendre pourquoi les grossesses en milieu scolaire font toujours parler d'elles au moment où le gouvernement, via le ministère de l'éducation, a déjà lancé la politique dite zéro grossesse. La pauvreté des familles des enfants, souvent victimes de ces grossesses précoces, étant parmi les causes majeures, indique David Ninganza. Zéro grossesse en milieu scolaire. Est-ce que c'est le milieu scolaire? Je pense qu'il devrait dire zéro grossesse dans la communauté, parce que ce qui engrosse nos enfants, ils sont dans la communauté. S'il s'agit des écoles à régime d'internat, je peux comprendre, mais les enfants, la majorité, plus de 90% sont des élèves externes, c'est-à-dire que la conception se fait au sein de la communauté. On dit que les enfants victimes de grossesse non désirée, on sanctionne les victimes ou bien on l'accompagne. Alors, à ce niveau, les enfants sont victimes de la pauvreté à la matière de leurs parents s'ils sont sujets. Les enfants sont victimes de la pauvreté aiguë des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas d'outils, qui n'ont pas de vocabulaire à transmettre. Les anciens aussi pleurent comme les filles. Les enfants sont victimes de la communauté qui ne voit pas, qui est dépassée par les événements, qui n'est pas encadrée. Les conséquences sont fâcheuses chez les victimes de ces grossesses en milieu scolaire, ajoute David Ninganza de la SOJIPAI. Le règlement scolaire dit l'enfant victime de grossesse non désirée, il va passer 12 mois à entrer d'allaiter son enfant à la maison. C'est-à-dire que l'enfant va faire 2 ans à 3 ans. C'est une loi qui déscolarise le règlement, qui déscolarise les enfants. On a tenté de chercher une solution pour que l'enfant, malgré la grossesse non désirée, ne soit pas victime de l'abandon scolaire, ne soit pas récupéré par Nati. Ces enfants, la majorité, plus de 90%, ne continuent pas l'école. C'est-à-dire que le pays perd énormément leur production, leur participation au niveau du développement du pays dans l'avenir. Cet expert en éducation appelle à la synergie de plusieurs partenaires pour que ces grossesses en milieu scolaire soient éradiquées. Je pense qu'il faudrait plutôt envisager, chercher des capacités pour que chacun soit la force. Que ce soit renforcement des capacités des responsables scolaires, si l'acceptation et l'accompagnement des jeunes mères, parce que ces enfants ne sont pas accompagnés. Il y a aussi la sensibilisation permanente et constante auprès de la communauté pour l'implication de la famille. Il faut que la famille soit impliquée. Il y a renforcement des capacités des médias et collaboration étroite avec les organisations de la société civile. Il faut implication de l'administration locale et structure locale existante parce qu'ils sont là, ils doivent travailler. Il faut aussi développer une stratégie de communication contenant des informations fiables et adaptées s'ils sont sujets. David Ninganza de la SOJIPAI fait savoir que le rapport annuel fait état d'entre 1800 et 2000 grossesses en milieu scolaire. L'UNICEF étant en train de vulgariser les clubs en milieu scolaire dirigés par les tantes et pères des écoles qui ont la mission de sensibiliser la politique de zéro grossesse en milieu scolaire. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimana.